Vous écoutez Futur Simple et c'est François Grégoire qui vous parle. En lavant la vaisselle ou en rêvassant, vous êtes-vous déjà demandé d'où provient la matière qui se trouve autour de vous, les atomes qui la constituent, qui constituent votre corps, les objets que vous possédez, l'eau que vous buvez, les montagnes que vous voyez, la lune, les planètes, le soleil, enfin toute la matière qui compose l'univers? Alors, pour répondre à cette question fondamentale, je reçois Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, François. Alors, Jean-René, avant d'élaborer sur l'origine de la matière, on va rappeler qu'elle est composée d'atomes ou d'éléments. Des éléments, il en existe 92 naturels et quelques autres fabriqués par l'homme. Alors, en examinant ces éléments, Dmitri Mendeleïev, un chimiste russe, s'aperçoit que certains éléments ont des propriétés semblables et que ces propriétés se manifestent avec une certaine périodicité parmi les éléments. Il propose une classification systématique des éléments chimiques connus à l'époque, visant à souligner la périodicité de leurs propriétés chimiques, visant à identifier les éléments qui restaient à découvrir et visant même à pouvoir prédire les propriétés de ces éléments. Il a publié son tableau périodique en 1869. Alors, ce faisant, il aboutit à un tableau périodique des éléments qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire où les éléments sont ordonnés par numéro atomique croissant et organisés en fonction de leur configuration électronique, laquelle sous-tend leurs propriétés chimiques. Alors, chaque élément a un numéro, ce qu'on appelle le numéro atomique, qui correspond au nombre de protons dans le noyau des éléments, et c'est précisément ce nombre qui distingue les éléments entre eux. Par contre, ce tableau n'identifie pas l'existence des isotopes de chaque élément. On appelle isotopes les éléments chimiques qui partagent le même nombre de protons, mais qui ont un nombre de neutrons différent. Par exemple, l'hydrogène a 3 isotopes, c'est-à-dire l'hydrogène lui-même qui a un proton dans le noyau, le deutérium qui a un proton et un neutron dans son noyau, et le tritium qui a un proton et 2 neutrons dans son noyau. Alors, les isotopes d'un élément ont les mêmes propriétés chimiques, c'est-à-dire qu'ils vont réagir de la même façon, mais les propriétés physiques sont différentes, comme par exemple la température d'ébullition. Alors, Jean-René, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur Mendeleïev? Alors, Mendeleïev est un chimiste, comme tu l'as indiqué, François. Il était aussi un professeur, et Mendeleïev, quand il a décidé d'organiser... et de produire son tableau, c'était pour des fins pédagogiques. Et Mendeleïev est un personnage extraordinaire, presque bizarre de certaines façons, mais extrêmement brillant. Et d'ailleurs, quelqu'un qui travaillait avec beaucoup d'autres chimistes et physiciens de l'Europe. Il avait lui-même passé pas mal de temps en Allemagne où avait mijoté, en fait, ce plan d'organiser les éléments selon leurs propriétés chimiques. Et la chose qu'il faut remarquer, c'est que, comme on a parlé, on sait que maintenant, c'est constitué, les atomes sont constitués de protons et de neutrons à l'intérieur, entourés par des couches d'électrons, le nombre d'électrons étant égal au nombre de protons. Pour mais que les à éléments l'époque, soient neutres. Il n'en avait aucune idée. Ah. Mais son tableau, son organisation, qui va des aimants les plus légers aux plus lourds, avec une gradation en poids atomique, finalement, trahissait ce qu'on a découvert peu après, qu'il y avait quelque chose de fondamental dans chaque atome, qui était le nombre de protons et le nombre de neutrons, qui constituent la masse, l'essentiel de la masse de chaque atome. Les électrons sont là, extrêmement importants chimiquement et certaines propriétés physiques, qui va de tout ce qu'on fait dans notre vie quotidienne, à partir de la cuisine que vous êtes en train de faire chez vous, peut-être, ou de commencer à faire, quand vous chauffez des choses, vous faites certaines transformations chimiques. Vous chauffez à quelques centaines de degrés et ça fonctionne. Mais à l'époque, donc, il faut se rappeler que Mendeleïev a cette idée de génie, organise ce tableau qui reste très valable maintenant sans avoir de connaissance de la structure atomique interne. Uh-huh. Et il connaissait pas tous les éléments non plus. Là. Non, et d'ailleurs, c'est une des choses. Il avait lui-même prédit qu'on pouvait trouver certains éléments inconnus qui auraient à peu près telle propriété parce qu'ils tombaient dans la même colonne, entre guillemets, du tableau. Donc, les propriétés chimiques sont semblables dans une même pour tous les éléments d'une même colonne. Tandis que les poids atomiques changent, ou la masse de chaque atome change en allant de gauche à droite dans le tableau. Donc, il avait prédit, il y avait des cases vides. Donc, il manquait telle chose qui devait avoir tel poids, et qu'il devait avoir telle propriété chimique. Et ce qui est assez extraordinaire, à son époque, lorsqu'il était vivant, on a découvert ces éléments qu'il avait prévus, et ça lui a donné beaucoup de prestige qu'il utilisait pour les autres causes qu'il, sur lesquelles il travaillait. Entre autres, il était un ardent attaquant contre le spiritisme, qui était quelque chose de très en vogue à l'époque en Europe. Donc, un personnage, en fait, si vous avez la chance de lire la biographie, le personnage est riche en sa force de scientifique, mais aussi par sa vision un peu farfelue de temps à autre, et aussi par son impact et son rôle dans la société russe de la fin du 20e siècle et de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, où ça brassait joliment. Il était basé à Saint-Pétersbourg, où était l'empereur et le gouvernement de la Grande Russie à l'époque. Alors, on revient aux éléments. On sait qu'il en existe 92 naturels, et ils n'ont pas certainement tous la même abondance dans l'univers. Alors, oui, est-ce qu'il y a une règle ou une tendance qui se dessine, finalement? Ouais, ça, c'est la chose qui a été la... Donc, disons qu'on passe, on fait une étape. Oui. On connaît le tableau périodique. Oui. On connaît que l'atome est constitué, et ce qui fait que chaque atome est différent, ce sera le nombre différent de protons. Dans auquel on égalera un nombre d'électrons dans les couches externes qui déterminent la chimie, on le rappelle, et aussi le nombre de neutrons. Donc, on se rend compte que plus un élément a un faible nombre de protons, équivalent de neutrons, plus il y en a. Okay. Et c'est ce qu'on appelle la distribution des abondances des éléments. Et à tel point que si on regarde dans l'univers, on se rend compte que la distribution des abondances chimiques est très différente de celle qu'on observe sur Terre. Ah bon, donc, OK. Sur Terre, qu'est-ce que c'est qui domine, si on regarde la croûte terrestre là, et l'intérieur de la Terre, c'est essentiellement de l'oxygène, du silicium, du carbone, il y a toute une série, et certains éléments plus lourds, en nombre aussi, qui diminuent de façon draconienne à fur et à mesure qu'on s'en va vers des éléments lourds. Plus lourds. Donc, par exemple, l'oxygène est le dominant ici dans ce que je viens de dire, et le fer est probablement, il y en a à peu près, qui est un autre relativement abondant pour des raisons complexes sur lesquelles on ne reviendra pas, il y en a à peu près une centaine de fois moins, mais un atome plus lourd qui est très recherché, qui est l'or, ou un autre qui est le platine, et l'uranium sont pratiquement des millions de fois moins abondants dans la Terre. Et on s'est rendu compte dans les années 20 que cette distribution-là était valable pour le Soleil et même les autres étoiles, avec des petites variations. Et les autres planètes aussi, Jean-René? Oui, les autres planètes. De notre système solaire. Ouais, okay. Les planètes au moins terrestres, comme Mercure, Vénus. Les planètes telluriques, là, c'est ça. Oui, à peu près toute la même chose. Mais la grande découverte fut dans les années 20 grâce à une jeune astronome britannique qui a fait sa thèse de doctorat sur la composition chimique des étoiles. Je pense que c'est 1926. Donc, ça fait quoi? Ça fait pratiquement 90 oui, ans seulement. Qui a fait une découverte absolument époustouflante à l'époque, qui a établi que le Soleil, en fait, avait les éléments qu'on retrouve sur Terre, mais qu'il y avait deux éléments qui dominaient tout. L'hydrogène et l'hélium. OK. Essentiellement, si vous prenez tous les atomes du Soleil, à peu près 90 sur 100, mettons que vous prenez 100 atomes, 90 des atomes sont de l'hydrogène, ou 90% est de l'hydrogène. À peu près 8 atomes sont de l'hélium. Et les deux autres? Et les 2% des éléments plus lourds? Tout ce qui est plus lourd et avec l'oxygène qui domine. Et on s'est rendu compte que ce comportement était quand même assez universel toutes les fois qu'on regardait les étoiles et aussi si on regardait les planètes dans notre système solaire qui ont gardé leurs gaz initiaux, oui, comme Jupiter, Saturne et les planètes massives à l'extérieur du système solaire qui n'ont pas perdu les éléments plus volatiles parce qu'ils étaient suffisamment loin du Soleil. Ça n'a pas été chauffé, donc ils nous ont gardés. Donc, le casse-tête était... Après avoir accepté cette surprise, et d'ailleurs, personne n'a cru cette jeune étudiante qui déposait son doctorat pendant à peu près 2 ans, que c'était quelque chose qui était surprenant, mais c'était peut-être un problème de technique et dans l'analyse. Uh-huh. Et c'était basé sur des observations. Mais il s'est révélé que cette surabondance, entre guillemets, apparente, était la règle générale pour le cosmos. Donc, okay. L'univers, en gros, c'est essentiellement de l'hydrogène. Ensuite, pas mal d'hélium. Oui. Et d'ailleurs, tous l'hélium qu'on utilise ici, hein, d'ailleurs un peu trop rapidement, là, à part de l'hélium qui est produit par des intégrations radioactives, la majeure partie de l'hélium, il est d'une source particulière, il vient du Big Bang, de tout début de l'univers. Donc, on va revenir à ça. Donc, la question, c'était d'expliquer pourquoi, finalement, on a essentiellement que de l'hydrogène, de l'hélium, un peu d'un second groupe qui est le carbone, rappelez-vous. Oui, tout à fait. Qui est important pour la vie. L'azote, l'oxygène. Et ensuite, le reste, c'est un peu tout des miettes. Mm-hmm. Donc, c'est finalement certains des éléments qu'on a mentionnés au début dans l'agromine. Des éléments comme ça, ce ne sont que des poussières dans l'univers. Ils sont en abondance extrêmement faible. Ils le sont aussi sur Terre. Et Jean-René, si on regarde l'abondance des éléments en fonction justement de leur nombre de protons, on s'aperçoit aussi qu'il y a trois éléments comme le lithium, le beryllium puis le bore qui sont très peu abondants par rapport à leur, ouais, à leur eux, masse. Donc, c'est ça. Eux, en fait, ces éléments-là, on va... Comment ça s'explique, en fait? En fait, c'est que ces éléments-là, avec l'évolution cosmique, ils sont détruits. Ces éléments-là ont été fabriqués. Donc, je reviens. Donc, au départ, on va juste creuser un petit peu ça. Au départ, pendant jusqu'à peu près des années, jusqu'à peu près début des années 1950, enfin, le grand article là, qui tasse tout ça dans le coin, qui montre que la majeure partie des éléments sont fabriqués dans les étoiles, est de 1957. Donc, ça fait quoi, 1957? 59 ans. Ça fait 60 ans à peu près. Ouais. Donc, on va célébrer le 60e anniversaire. Auparavant de la décennie, des décennies qui ont à peu près des années 30, à peu près, on faisait l'hypothèse que la plupart des éléments, ou tous les éléments avaient été fabriqués lors de ce fameux Big Bang. La grande hypothèse de Georges Lemaître qui a été émise en 1927. Donc, c'était extraordinaire. On s'est dit, c'était chaud. Et c'est là que se sont produits... Tous les 92. Donc, ça, ça nous amène à comment expliquer comment les éléments se forment. Les éléments se forment, si vous avez des petits, en combinant des petits avec d'autres petits pour les fusionner. Okay. Ça s'appelle la fusion thermonucléaire. Oui. Donc, mais c'est une sacrée cuisine qui exige des énergies énormes. C'est de la cuisine thermonucléaire. Oui, effectivement. Donc, vous faites pas ça chez vous. Dans votre chaudron. Dans vos chaudrons du tout. Vous pouvez faire une certaine cuisine chimique chez vous. Uh-huh. Mais pour faire de la cuisine thermonucléaire, vous avez besoin d'énergie des millions de fois plus élevées, donc des températures de millions de degrés. Donc, le Big Bang a donné naissance finalement à tout l'univers, mais au début, tout ce qu'il y avait, c'était de l'hydrogène puis de l'hélium. Ouais. Exactement. Et ensuite, il y a eu des formations d'étoiles. Ouais. Pourquoi seulement ces éléments-là se forment et pourquoi on ne va pas, c'est pas formé de carbone. Oui. Pourquoi? Donc, ce qui se passe, c'est que pour former des éléments plus lourds, le rêve des alchimistes du Moyen Âge, il faut rapprocher les fameux protons qui sont au centre. Et les fameux protons sont chargés électriquement, positivement. Okay. Et eux, si vous voulez, c'est faire s'embrasser, là, il n'y a rien à faire, ils se repoussent avec une force colossale, à moins que vous les approchiez littéralement physiquement, pratiquement pour les coller l'un sur l'autre. Avec une grande pression, qui veut dire de grande vitesse, donc de grande température, de sorte que quand ils deviennent très proches, la répulsion électrique, elle est encore très forte, mais il y a une autre force domine, qu'on appelle l'interaction forte, qui prend le dessus et qui colle tous les morceaux ensemble. Et qui fait que les noyaux se fusionnent. C'est comme si vous preniez deux éléments, en forme de fer à cheval, et vous mettez les deux polarités semblables une face à l'autre, vous sentez que ça se repousse. Mais à un moment donné, vous allez vous dire, ça va marcher cette affaire-là, et vous allez pousser, et là, il y aurait une autre force. Tout ça colle ensemble avec d'ailleurs, les choses tiennent ensemble pour former des noyaux stables. Donc, ce qui arrive, c'est que à des températures de quelques millions de degrés et des températures de densité relativement élevée, vous allez être capable de faire la cuisine de base qui est de transformer l'élément le plus simple en un élément légèrement plus lourd qui est l'hydrogène à hélium. D'accord. Et ça s'est fait 10 minutes après le Big Bang. OK. Ouais. Donc, mais... Et des atomes d'hydrogène sont fusionnés en hélium. Il faisait assez chaud, il y avait assez de force pour appliquer la température, la vitesse, les faire se rencontrer. OK. Et il y a, là, l'univers est en expansion et il se refroidit. Donc, tout d'un coup, il fait encore assez chaud pour former peut-être deux ou trois autres éléments que sont le deutérium, le béryllium et le lithium. Mais il s'en forme très peu parce que l'univers devient non seulement plus froid, mais beaucoup moins dense et on n'aura pas les conditions pour former tous les autres atomes du tableau périodique. Donc, pendant longtemps, dans la première phase de l'univers, on n'a que hydrogène, hélium, deutérium aussi. Et ces éléments-là viennent de l'origine de l'univers. En fait, l'hydrogène qui forme la molécule d'eau, là, il a été formé il y a 13,8 milliards d'années. Okay. Donc, il est ancien. On va voir que les autres éléments qu'on a autour de nous sont aussi relativement anciens. Donc, là, il faut penser comment se passe le reste de la cuisine. Pour les éléments plus lourds, là. Parce que je pense qu'il y a deux recettes. Hein. Pour les plus lourds, mais pas trop lourds, puis pour très lourds. Donc, plus, comme je viens de signifier, que plus vous voulez faire des éléments lourds, plus vous devez les faire rencontrer avec des vitesses plus grandes, donc plus vous devez avoir des températures élevées. Uh-huh. Donc, l'univers évolue, il va y avoir des choses qui vont se passer, la matière va se condenser, elles vont former des choses qu'on appelle des étoiles. C'est ça. Des étoiles qui sont des grosses boules de gaz. Il y en a des grosses, puis il y en a des petites aussi. Mais au départ, prenons juste une étoile en général, l'étoile va se former et en fait, par son poids, va écraser le poids central et chauffer, jusqu'à ce que la température atteigne de l'ordre de une dizaine de millions de degrés. Mm-hmm. À 10 millions de degrés, ce qui est une température extraordinairement chaude pour nous, on produit ça sur Terre simplement artificiellement en faisant exploser des bombes thermonucléaires hors de contrôle. Mais dans une étoile, tout ça se fait d'une façon en douceur. Uh-huh. C'est juste la partie centrale et tout se fait avec une certaine stabilisation des conditions. Et à ce moment-là, d'ailleurs, l'étoile arrête de se contracter elle-même. Elle arrête de monter de température. On a un feu qui a démarré au centre de l'étoile. En tout cas, c'est le feu thermonucléaire. Et ce feu-là, c'est des atomes d'hydrogène qui se rencontrent en hélium. Qui se rencontrent en hélium. Et tout ça, cette réaction-là, ça marche, ça va marcher pendant, pour une étoile comme le Soleil, pendant 10 milliards d'années. Okay. Et là, on fait juste l'hélium. C'est ça. On va pas loin, là. Pour fabriquer les éléments suivants, comme le carbone, l'oxygène, l'azote et tout, il faut chauffer encore plus. Plus que notre Soleil? Plus que notre Soleil. OK, notre Soleil, il va falloir y faire arriver quelque chose qui, entre autres, l'épuisement, il n'y aurait plus, dans la partie centrale, il n'y aurait plus d'hydrogène. Ah. OK. Donc, il va y avoir juste l'hélium. Et là, quand on va arriver à cette phase-là, le centre de l'étoile va se contracter pour devenir encore plus chaud. Okay. Et au moment où il atteint 100 millions de degrés, donc 10 fois plus chaud qu'il était à l'origine, là, il y a une autre série de cuisine thermonucléaire qui commence et qui va fournir l'énergie pendant une période assez courte parce que plus c'est chaud, plus ça va vite. Okay. Donc, et là, va se produire dans le cœur d'une étoile comme le Soleil, le carbone, l'oxygène, et peut-être un peu d'azote aussi. Okay. Et là, l'étoile, en fait, pourra pas aller tellement plus loin parce que son cœur est pas assez chaud. Non, la masse est pas assez grande. On pourra pas, quand ce sera tout brûlé, entre guillemets, tout l'hélium sera passé en carbone, oxygène. Il va se passer une drôle d'affaire, là, c'est que tout ça va se coller ensemble pour former une étoile qu'on appelle une étoile morte, un cadavre d'étoile qu'on appelle une naine blanche. Okay. Il n'y a plus de réaction nucléaire, ça va se refroidir avec le temps. Mais entre la phase que j'ai décrite où on fabrique de l'oxygène et du carbone à partir de l'hélium, on a 100 millions de degrés, l'étoile est entrée dans cette phase qu'on appelle géante rouge, qui va être très courte, et la Terre, évidemment, on sera bien disparu depuis longtemps, nous, comme tel. Donc, c'est une phase qui va se passer à peu près dans 5 milliards d'années pour le Soleil. Donc, vous voyez le raisonnement ici. Donc, si on veut aller faire les autres éléments, jusqu'au fer, par exemple. Donc, il faut avoir d'autres étoiles plus grosses, plus massives que le Soleil. Donc, plus chaude aussi. Plus chaude de tout. Et là, qui vont monter les températures jusqu'à des centaines de millions de degrés pour réussir à faire. Généralement, la réaction va former, c'est vous, les atomes que vous avez, là, c'est rare que vous allez fusionner. Vous allez pouvoir fusionner deux oxygènes ensemble. Mais c'est souvent l'oxygène qui va gober un noyau d'hélium. Okay. Donc, on y va par petits morceaux comme ça. Et ça produit dans le tableau des abondances, là, des petits pics qui correspondent à ces avalements de noyaux d'hélium. Est-ce que c'est pour cette raison-là que les atomes dont le nombre atomique est pair sont plus nombreux à peu près d'un facteur 10 que ceux qui sont impairs? Exactement. Exactement. C'est étonnant, comme oxygène, carbone. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est dans la structure du noyau qui fait que il y a une résonance qu'on dit en physique nucléaire, que le partenariat s'établit mieux avec certains atomes qui ont des nombres pairs, donc qui correspondent aux deux protons du noyau d'hélium, qu'avec des atomes qui ont des nombres impairs pour le noyau. Donc, il y a une espèce de Lego, le jeu de Lego qui se fait mieux. Les emboutures sont mieux ajustées quand c'est ce genre de mal. Donc, ce que vous remarquez ici, c'est que pour faire des éléments plus lourds, il faut avoir des conditions de plus en plus extrêmes. Donc, on a déjà une première explication pourquoi il y en a de moins en moins. Quand on regarde, quand on fait une analyse chimique des éléments autour de nous, il y a moins en moins d'éléments lourds que d'éléments légers, parce que ça prend des conditions extrêmes. Et l'autre chose, les objets pour produire ces conditions extrêmes, ce sont les étoiles les plus massives. Et les étoiles les plus massives sont beaucoup plus rares que les étoiles ordinaires comme le Soleil. Donc, pour une étoile massive que 10 fois la masse du Soleil, qui, elle, va en fabriquer des éléments du tableau périodique, vous allez en avoir 1000. Vous allez avoir 1000 soleils et 10 000 étoiles, disons, pratiquement 10 fois moins massives que le Soleil. Donc, deux choses qui expliquent pourquoi l'abondance est légèrement très lourde et si faible et de plus en plus faible, c'est que ça prend des conditions de plus en plus extrêmes qui ne sont fournies que par des objets qui sont d'autant plus rares dans l'univers qu'ils sont massifs. Donc, c'est les deux principes qui expliquent pourquoi l'or coûte cher. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup d'or. Il y en a très, très peu d'or. Alors que l'hydrogène, elle, est extrêmement abondante. Il y en a. De l'hélium, il y en a. Mais sauf que sur Terre, on les a perdus. Oui. Parce que dès qu'il y en a ici, à la température de la Terre, à peu près 273 Kelvin, là, à peu près, ou disons 300 Kelvin pour arrondir, ces éléments lourds partent dans l'espace. On les perd. Donc, ce n'est qu'au-delà de la ceinture des astéroïdes, les températures sont plus faibles. Et si les masses sont suffisamment élevées, vous allez avoir un objet comme Jupiter qui va être constitué essentiellement comme le Soleil, dominé par l'hydrogène et l'hélium. Est-ce qu'on peut extrapoler jusqu'à dire qu'à la fin des temps, tous les éléments chimiques de l'univers vont disparaître pour se transformer en fer, qui semble être l'élément le plus stable? Oui. Beaucoup de choses. Il va avoir beaucoup de fer, mais d'abord, ça va être impossible de transformer tout. L'univers... il paraît chimiquement peu évolué, hein, on parle que c'est... Et ça va être difficile d'amener toute cette matière-là dans des étoiles massives et les transformer en des éléments plus lourds. Donc, ce ne sera qu'une fraction de l'univers qui va être lentement recyclée à l'intérieur de nouvelles générations d'étoiles. Et là, on va augmenter la teneur des éléments lourds très lentement, mais avant que vous habitiez une planète où vous allez avoir une montagne d'or et une montagne d'argent, ça n'arrivera pas dans le futur de l'univers, même à un âge très, très avancé. Donc, ça finira pas tout en fer. Comme, Non, en fait, on va tous finir en trou noir ou à peu près, mais ça... ça... Ben, Jean-René Roy, merci d'avoir, en fait, d'avoir cuisiné les éléments chimiques avec nous. Les émissions de cuisine sont très à la mode ces temps-ci et je rappelle que vous êtes astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Et les recettes sont bien comprises. Alors, on va faire une pause publicitaire bien méritée et on vous revient avec Karine Gravel et Marianne Donnelavé.